Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau débat. Alors aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière parce que je suis seul derrière mon micro avec un invité. J'ai monsieur Christophe Geldron qui est le directeur de la maison d'édition Nabane. Bonjour. Et du coup, on va encore une fois, non, parce que je l'ai déjà fait cet été, mais on va revenir sur ta maison d'édition, sa création, le présent et le futur. Donc voilà, on va commencer donc cette émission tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Alors, donc, je suis Christophe Geldron, je suis fondateur des éditions Nabane. Ça fait un petit peu plus, ça fait 20 ans maintenant que je travaille un peu dans tout ce qui est animation japonaise et manga. J'avais travaillé surtout dans l'animation à l'époque avec Manga Distribution, des clics images, RCP. Et puis, avec des associés, j'avais créé la maison de DVD qui s'appelait Black Bones, qui avait fait pas mal de quelques petites séries assez anciennes, puis Black Box, où on avait développé l'animation et toute la collection manga, où il y avait ce qui était Go Nagai, Eiji Matsumoto, le collège Foufoufou, Cobra, tout ça. Et depuis maintenant un an et demi quasiment, je suis en solo et j'ai monté Nabane pour continuer un petit peu cette aventure du manga, parce que j'avais encore des choses peut-être un peu plus personnelles à vouloir faire et suivant mon envie, et c'est comme ça que j'ai pu lancer quelques titres depuis la fin de l'année dernière. Et oui, alors c'est vrai que comme tu dis, Nabane est une toute nouvelle édition. Alors, si je dis pas de bêtises, pour le moment, tu es à trois titres, qui sont des trois séries qui sortent actuellement chez nos libraires. C'est ça, en fait, le tout premier titre, c'est Demande à Modigliani, qui est un titre, un seinen sur trois étudiants d'art dans la campagne japonaise, pas loin de Fukushima d'ailleurs. Qui essaient de réussir chacun dans leur domaine leur cursus. C'est un titre qui me touchait beaucoup et que je trouvais très très intéressant pour débuter. Le deuxième, c'est Old Boy, là qui est un peu le fer de lance pour l'instant des éditions parce qu'il marche très bien. C'est en fait le manga qui a inspiré le film. Qui avait reçu un prix à Cannes en 2004. Et là, donc, cette semaine, sort un tout nouveau titre qui est 17 ans, qui est un titre qui me parlait énormément et que je trouvais très intéressant à faire, alors qu'il a quand même quelques années, sur, en fait, qui s'inspire d'un fait divers au Japon, d'une jeune fille qui avait été enlevée et séquestrée par des ados. Et qui a un titre, donc, du coup, assez difficile, assez dur, pas forcément facile, mais qui me semblait assez important et surtout qui était écrit comme un thriller. Donc voilà, ça fait trois titres pour l'instant, ce qui représente à peu près sept ouvrages en une année, ce qui est très bien, ce qui est exactement ce que je souhaitais faire depuis le début. Et c'est vrai que pour une toute nouvelle maison d'édition, sept titres, c'est pas mal du tout. Alors j'ai lu 17 ans parce que tu m'as permis de le lire. J'ai pas lu Old Boy, mais j'ai un de mes confrères qui est Nico qui les achète et il est en kiff total et je crois qu'il attend un peu de manière impatiente le prochain tome qui sort d'ici octobre, c'est ça? Le 23 de mémoire, il doit sortir le 23 octobre. Et ouais, c'est vrai qu'il est extrêmement fan. Alors, sur les trois titres que tu as sortis, il y a exclusivement que du seinen. Tu comptes faire d'autres choses que du seinen ou tu veux vraiment te pas te contenter parce que c'est moche de dire ça, mais tu veux en faire ton fer de lance et dire je vais être la référence du CNN en France. Alors non, pas forcément. Je vais plutôt vers ce que je connais le plus, effectivement, où j'aime bien les mangas plutôt adultes, mais adultes dans le lectorat, pas dans les thèmes. Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, la compétition, notamment ce qui va être, alors pas shoujo, mais shonen, est extrêmement féroce. Donc soit ce sont des titres que tout le monde va vouloir, soit ça va être des titres que moins de gens vont vouloir, mais qui vont être beaucoup plus longs. Et ça, pour une jeune société, c'est compliqué de faire des titres longs. Éventuellement, oui, développer du seinen, je trouve ça assez intéressant parce que c'est quelque chose qui au fur et à mesure prend de l'ampleur. À partir du moment, je pense, où c'est quelque chose de très, qui accompagne pas mal le lectorat. Et si ça n'est pas un argument trop culturel, c'est-à-dire que les mangas que j'aime en général sont un peu des mangas vraiment de fiction qui vont être soit un petit peu amusants, soit effectivement sérieux, mais qui vont rester un peu dans un esprit film. Et j'aime bien quand ces mangas-là, quand même, ont un petit message ou quelque chose une fois qu'on les a finis. Donc c'est plutôt dans ce genre de thématique-là que je vais aller. C'est pas forcément... Après, s'il y avait du shonen, enfin, par exemple, le shoujo, c'est quelque chose que je connais moins, mais qui m'intéresse beaucoup. Et il y a énormément de très très bons titres qui ont existé en shoujo en France, mais c'est un genre qui est extrêmement délaissé en ce moment, par exemple. Et au niveau du shonen, maintenant pur et dur, voilà, enfin, faut pas se leurrer, à moins d'avoir énormément d'argent à mettre sur la table, c'est très difficile d'entrer en compétition avec les gros éditeurs qui font ça très bien, qui en vendent des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers pour certains titres. Donc, il faut pas essayer de courir. Après, il faut proposer autre chose. Il faut proposer une alternative. Et en général, c'est comme ça que ça peut marcher. Old Boy en est un peu un exemple, puisque je me suis rendu compte que le lectorat était relativement jeune, alors que moi, je m'attendais... plutôt à ce que ça puisse intéresser les gens entre 35 et 45. Finalement, ça a intéressé des gens qui ont la petite vingtaine et qui peut-être n'avaient pas vraiment ces 10 dernières années connu de manga de ce genre ou n'avaient pas forcément osé s'y mettre. Donc voilà, le seinen, oui, je vais y aller, mais je vais pas forcément, je vais y rester, mais je vais pas forcément vouloir catégoriser seinen ou shonen, ou shoujo, ou voilà. J'espère juste pouvoir à la suite faire une collection de choses anciennes, de choses nouvelles, mais qui puisse interpeller un petit peu en se disant si Naban l'a choisi, c'est qu'il y a une patte, il y a une couleur, il y a quelque chose. Et c'est un petit pari que j'essaierai de faire dans les années à venir. Alors, je veux juste revenir un peu sur le prochain manga qui est sorti depuis vendredi au moment où sortira le podcast, 17 ans. C'est vrai que tu, bon, comme je l'ai dit, tu me l'avais envoyé, je l'ai lu, je l'ai dévoré. Et à la fin de ce manga, je me suis dit... Waouh, c'est poignant et je vais pas dire que ça me retourne le bide parce que j'ai déjà lu des choses un peu plus trash ou autre, mais c'est un vrai manga slice of life, quoi. Ça fait peur. Oui, en fait, ce qui m'avait plu dans ce manga, c'est que c'était pas ça va faire un peu promo et ça va faire un peu fiche Bristol parce que je l'ai souvent dit, mais... On est là pour ça. Voilà. Mais en fait, ce que je ne voulais pas, c'est que ce soit une reconstitution ou un témoignage. Ce qui a été très intéressant dans le travail de scénario qui a été fait, c'est que c'était un journaliste qui avait suivi ça. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a juste entendu parler des choses, il a... on sent qu'il a suivi, qu'il a regardé au niveau des victimes, qu'il a regardé au niveau des bourreaux ou juste des participants. Il avait écrit plusieurs livres là-dessus. Et donc, du coup, ce qu'il a vraiment voulu faire tout de suite, c'est montrer ça comme un thriller, plutôt que comme une reconstitution macabre et voyeuriste. Ce qui fait que, par exemple, on voit dans le manga, dans les 200 pages, je pense que tu l'as vu, on voit relativement peu la victime. Et même quand on la voit et quand il lui arrive des choses, on ne s'appesantit pas dessus. Ça va le faire en 2-3 cases. Tout de suite, on se rend compte que les mecs ne savent pas ce qu'ils font, qu'ils sont stupides, hein, de toute façon. Ils sont totalement stupides, ils sont dépassés par leur propre bêtise. Et en arrivant à se placer sur celui qui aura été le moins actif, mais le plus déterminant dans l'affaire, ça permet de montrer un autre point de vue qui n'est pas juste un constat, mais qui va pouvoir faire dire « Ok, donc en fait, elle a été enlevée parce que les gamins sont comme ça. Pourquoi ils sont comme ça ? C'est parce qu'il y a l'école, il y a les parents qui ne sont pas là, il y a les brimades, il y a les choses comme ça, il y a la police qui n'intervient pas beaucoup. Donc, c'est plus une question de société. C'est-à-dire, c'est pas juste une jeune fille qui est enlevée et du coup qui va être de façon isolée, maltraitée par des jeunes. Il faut aussi arriver à comprendre pourquoi. C'est un peu comme quand on a un cancer. Si on veut soigner uniquement le cancer des poumons sans se dire mais qu'est-ce qui a provoqué le cancer des poumons, on ne s'en sortira jamais. Et là, le manga, c'est un peu ça. Oui, chez les jeunes une extrême violence qui n'est absolument pas liée à de l'embrigadement, qui n'est pas liée à un culte, qui n'est pas liée à une façon de vivre, mais qui est plutôt le résultat d'une perdition et d'un manque cruel de repères ou de personnes à qui parler à partir du moment où vous avez un problème. Et 17 ans parle beaucoup de ça en prenant comme support un fait qui a été tragique, effectivement, qui a été fatal à la personne, à Junko Furuta au Japon, mais où dans le manga, effectivement, comme ce n'est pas une reconstitution, sans spoiler, évidemment, les choses vont quand même se passer différemment dans le manga. Parce que, comme j'aime souvent à le dire, la fiction n'arrivera jamais à être aussi réelle, n'arrivera jamais à être aussi cruelle que la réalité. On aura beau faire, on n'y arrivera pas. Et on se dira toujours, quand il y aura une fiction, non, mais c'est too much. Si on fait l'histoire comme ça, ça va être too much. Les gens ne vont pas y croire, les gens ne vont pas se dire c'est réel, c'est sorti d'un cerveau malade. Ben non, effectivement, des fois, ce n'est pas sorti d'un cerveau malade, c'est la description pure et totale de la réalité. 17 ans évite ça, justement, en disant « Oui, bah, de toute façon, vous avez bien compris ce qui va arriver à cette jeune fille. Ce n'est pas la peine de s'appesantir. Regardons plutôt de la part, au niveau des bourreaux, qui ils sont, comment ils y sont arrivés, pourquoi ils l'ont fait, pourquoi ils n'ont pas dénoncé, pourquoi ils ont continué. Et c'est ça qui est le plus important. » Et alors, c'est vrai que quand tu prends le protagoniste principal qui s'est fait embrigader et qu'il n'essaye pas et qu'on suit sa psychologie, c'est ça qui est très intéressant. C'est vrai que tu as totalement raison sur le fait que le sort de la fille, on se doute très bien comment ça se passe, mais quand on prend le profil du protagoniste principal, je n'ai pas envie de dire le héros parce que ce n'est pas vraiment un héros, c'est le protagoniste, le protagoniste principal, oui. Ouais, voilà. Et tu suis son embrigadement dans le gang, hein, on peut le dire, c'est pas un spoil extraordinaire, et de voir comment il réagit au moment où il y a cette capture de cette fille et comment il subit ça, c'est ça qui est vraiment le plus intéressant et pas forcément les faits. Parce que bon, finalement, les faits, quand on se renseigne sur Wikipédia, c'est assez proche du manga. Ils ont su très bien comment ça va se passer. Par contre, c'est l'écriture des protagonistes qui est complètement différente. Oui, voilà, c'était ça que je trouvais assez intéressant. Évidemment, j'avais lu les quatre tomes avant de le prendre, pour être bien sûr de savoir où je mettais les pieds. Donc, il y avait eu effectivement tout au départ quelques petites réactions un peu épidermiques sur Twitter, ce que je comprenais. Et c'est pour ça qu'il a fallu un petit peu accompagner, que là, sur les réseaux sociaux, avec le community manager, on avait créé cette espèce de petite gazette qui a été faite là sur 3 semaines pour montrer un petit peu l'univers du manga, pour montrer un petit peu ce que c'était, vers où il allait, parce que c'est forcément très, très touchy. Mais vraiment, ce qui m'avait rassuré, c'est que à chaque fois, je disais aux gens, faites confiance aussi à l'éditeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un éditeur vous propose quelque chose comme ça, quand c'est quelque chose qui est une fiction, on peut aller très très loin. Et il y a beaucoup de mangas, certainement toi aussi que tu as lu ou que moi j'avais lu, où ça part vraiment complètement en cacahuète et où les gens sont là en train de... Enfin, c'est tellement too much, des fois c'est très gore, c'est très... Des fois très pervers, mais on sait que c'est une fiction et bon voilà quoi, on se dit dans la réalité ça peut pas exister. Là, pour 17 ans, malheureusement dans la réalité ça s'est passé et ça a été bien pire que dans le manga. Donc c'est vrai qu'il faut juste arriver à rassurer un petit peu les gens en disant non, c'est intéressant, puisque effectivement avec le protagoniste principal, on vit ses souvenirs, on rentre dans sa tête pour montrer effectivement à quel point il a été lâche. On essaye de comprendre un petit peu en se remémorant peut-être ces années au collège ou au lycée où on a pu être parfois moqué ou harcelé, en se disant oui, peut-être qu'effectivement à un moment j'aurais pu être comme ça, ou même de manière plus générale, on a tous connu des gens qui ont voulu se mettre du côté du puissant de la classe et qui a préféré se moquer des faibles alors qu'il l'était lui-même, uniquement pour être tranquille. Et je pense que rien que ça, ça peut rappeler quand même des souvenirs à pas mal de monde. C'est sûr. On va un peu quitter le sujet de 17 ans, qui est un excellent manga et que je conseille fortement, encore une fois. J'aimerais parler un peu de comment on fait quand on est une jeune maison d'édition pour avoir des titres... pour avoir des titres. Alors, moi, mon parcours est un peu atypique, mais en gros, il y a deux moyens. Soit ça peut être... alors, il y a un moyen très simple qui peut être l'argent. Je préfère le dire comme ça, au moins c'est évacué. Si vous avez beaucoup d'argent, vous aurez l'oreille de n'importe qui. Mais derrière... Il faut une certaine légitimité, en tout cas au niveau des Japonais. C'est-à-dire que, comme on a vu, il y a des très bonnes maisons d'édition là actuellement qui viennent de commencer, comme Chato Chato ou Nazca, ou voilà, qui eux ont décidé de faire du manga un peu soit global, c'est-à-dire fait par des Européens. Ou bien et puis d'autres faits par des Chinois ou Taïwanais, ou Coréens, parce que c'est plus facile à avoir. Au niveau du Japon, il faut arriver avec quelque chose qui peut les rassurer. Alors, on a vu par exemple là Shiba qui a pu s'y mettre parce que je suppose comme ils ont une boutique en Belgique, et en commençant avec un one-shot, ben, ils ont pu convaincre en disant ben, « voilà, je fais au moins un one-shot, et puis vous voyez, j'ai les reins assez solides pour assurer le bouquin, j'ai une boutique qui tourne, j'ai des choses là. » Par contre, si vous y allez un peu la fleur au fusil, avec les meilleures intentions du monde, même si vous savez que vous pouvez y arriver, ça peut être beaucoup plus difficile. Donc en général, ce qu'il faut, c'est quand même essayer d'avoir cette petite légitimité peut-être par rapport à du travail qui aura été fait sur une BD franco-belge ou une petite édition qui aura été faite sur un bouquin que vous aurez publié avant. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a aucune formule magique. Faut arriver à convaincre. Et en général, quand il faut, pour arriver à convaincre, il faut soi-même se sentir légitime à le faire, je pense. Après, pour la France, c'est un peu plus compliqué parce que, comme c'est un très gros marché, les Japonais ne sont pas dupes là-dessus puisqu'ils le surveillent énormément. Donc, il faut quand même arriver avec quelque chose de, d'un peu différent. Pas forcément voir les... faut évidemment tout de suite évacuer tout ce qui va être Jump, ou Shonen Magazine, chez Kodansha. Va falloir plutôt aller chez les petits éditeurs, les convaincre, peut-être avoir un coup de cœur, tout bêtement, un coup de cœur pour un auteur, et dire, bah voilà, ce titre-là, il fait trois volumes, je l'adore, même si ça me coûte de l'argent, je veux le faire. Voilà, j'ai de l'argent, je veux qu'il soit disponible pour que tout le monde le voit. Voilà, c'est... Quand on est un jeune éditeur, il faut voir ça un petit peu comme ça. D'accord. Être couillu et de la conviction. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que il y a quelque chose, je pense qu'il y a une grosse, comment dire, un grand malentendu entre le fait que le manga au Japon est une industrie qui pèse 4,5 milliards de dollars par an. Les mangas stars qui peuvent se vendre à 100 000 ou 200 000 exemplaires, donc c'est du Naruto, c'est du One Piece, c'est Dragon Ball Super en ce moment, et le reste du marché français. Et en fait, c'est très étonnant parce qu'on a toujours l'impression que les gens veulent se lancer dans le manga pour faire énormément de ventes, alors qu'en fait, ce ne sera pas le cas. Et ça, c'est quelque chose qui est intégré pas mal chez ceux qui vont faire du comics, même du comics indépendant, à ceux qui vont vouloir faire des fumetti italiens ou de la BD espagnole. Ou, voilà, ils savent qu'ils vont en vendre parfois quelques centaines, ils font ça pour eux. Et ce côté, je me lance dans le manga, donc ça va cartonner, ça va dépoter, ça va y aller, on va être des pros, on va y aller. Et en fait, non. En fait, non, c'est quelque chose, c'est un petit marché dont, qui est dominé à 50% par 10 séries. Il y a 10 séries en France qui font 50% du chiffre d'affaires. Le reste est dispatché entre tout ce qui sort. Et donc, je pense que s'il y a des jeunes qui peuvent avoir la vingtaine ou 25 ans qui veulent se lancer, il ne faut surtout pas qu'ils se disent « je vais sortir ce qui marche le mieux en scan parce que j'adore ». Non, non, allez sur autre chose. Allez sur ce qui ne se fait pas, ou n'y allez pas, ou trouvez autre chose, comme l'ont fait Nazca et Chatuchato, par exemple, en prenant d'autres pays qui correspondaient peut-être aussi un petit peu plus à ce qu'ils aimaient dans le shonen, ou choses comme ça. Il y en aura, mais allez chercher ailleurs. Ou faites un vieux titre, shonen. Enfin bref, essayez de... Là, le conseil que je pourrais donner maintenant, c'est essayer de réinventer le truc. C'est ce que j'essaie de faire en essayant de combler un petit vide, comme tu le disais, sur le seinen. Mais il faut, faut avoir ça en tête, quoi. C'est pas... devenir le prochain Kiyu Nuglena, non. Même le prochain Ototo, ça risque d'être compliqué. Et alors, on va parler un peu plus du marché global. Encore une fois, je trouve ça passionnant de parler de marché et compagnie. Mais on est en 2020, on a de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'édition en manga, comme s'il y avait un nouvel essor qui arrivait. Donc on peut compter, toi avec Naban, vous êtes arrivé l'année dernière, Il y a les éditions Mao qui sont arrivées, mais eux, ils se dirigent plus vers tout ce qui va être light novel. Et tu as Noël Graphics qui vient de se lancer dernièrement. On a appris ça il y a quelques jours, en même quelques semaines maintenant. Et voilà. Est-ce que tu n'as pas l'impression de vivre en plein milieu d'un boom où tout le monde va pouvoir tirer un peu leur épingle du jeu avec des stratégies totalement novatrices. Alors toi qui veux te, entre guillemets, encore une fois, hein, te concentrer, voir toi qui sors du CNN d'une manière différente que les autres, Mao qui se dirige vers le light novel, Noev qui va se diriger dans un premier temps plus vers des artbooks et qui va sortir après des mangas. Est-ce que ce n'est pas passionnant en tant qu'éditeur de vivre ce genre de moment? Si, parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que on m'avait posé la question, effectivement, quand j'ai lancé la banne, de savoir est-ce que le marché n'était pas embouteillé. Ça dépend de ce qu'on appelle embouteillé. Embouteillé en volume, peut-être, mais en volume qui ne se vend pas. Et ce n'est pas forcément de la part des petits éditeurs. C'est qu'il y a une tendance, beaucoup chez certains très gros éditeurs à devoir absolument maintenir un chiffre d'affaires dans l'année et donc à multiplier les séries au moment où il y avait eu une grosse perte au début des années 2000, début des années 2010, où d'un seul coup ça s'est franchement cassé la figure. Et ensuite il y a eu le rebond depuis, mais. C'était peut-être des erreurs stratégiques ou un marché qui était voilà un peu trop qui votait un petit peu trop. C'est très compliqué à savoir, mais depuis, c'est vrai que il y a une appétence pour les gens pour avoir des titres. Et l'avantage d'avoir des titres pris par des indépendants, donc même on a déjà cité pas mal, mais on peut rajouter IMHO, on peut rajouter surtout le Lézard Noir, tous ces éditeurs-là qui sont de vrais indépendants. Bien, eux, d'un point de vue qualitatif, à chaque fois, jouent un peu leur vie à chaque titre et apportent quelque chose réellement. Plutôt que le dixième titre Isekai sorti par l'éditeur X, qui n'a pas ajouté grand-chose, qui va surfer sur la vague, et qui au final va être plutôt décevant au niveau des ventes. Mais ça aura fait du chiffre d'affaires, ça aura occupé le terrain sur les linéaires, pour un peu empêcher les autres d'arriver. Donc c'est un peu... Comment dire, c'est... Si les lecteurs le perçoivent un petit peu, effectivement, ça peut apporter vraiment un renouveau de dire sélectionner. Enfin, à partir du moment où vous sélectionnez, quel que soit l'éditeur, vous sélectionnez le titre que ça me plaît, que le prix, format, tout ça me convient, allez-y, je vous suivrai. Par contre, si peut-être que il y a une certaine lassitude, c'est possible, je n'ai pas du tout de données là-dessus, d'une partie des lecteurs qui se sont tournés vers les indépendants en disant « J'aime bien les mangas que vous faites, vous, Majors, mais il y a un moment, j'aimerais un tout petit peu plus de diversité. » Ça ne veut pas dire en acheter 10 par mois, mais avoir un titre qui sort un peu de l'ordinaire. Et je pense que c'est ça que les lecteurs peuvent attendre maintenant de nouveaux éditeurs qui sont obligés de vraiment sélectionner ce qu'ils vont sortir et pas juste s'assurer un nombre de sorties dans l'année. Quoi. Alors, on va parler de quelque chose qui s'est produit un peu partout dans le monde qui s'appelle la Covid. Comment, en tant que nouvel éditeur, on peut... Tu me permets, tu vas approcher les 1 an, tu me permets que je te dise nouveau encore ou tu te considères comme un vieux éditeur? Ah non, je suis très nouveau encore. Alors, comment tu... Je pense qu'au bout de, à partir de 3 ans, je pense qu'on peut dire, quand l'éditeur existe encore, que ça devient un éditeur un peu plus établi, mais non, j'ai même pas 1 an, donc c'est nouveau. Alors, comment tu as vécu cette tragédie qui était la Covid un peu partout dans le monde en tant que chef d'entreprise? Tu te dis, putain, ça arrive. Est-ce que tu te voyais fermer boutique ou tu étais quand même assez, assez conscient, quoi? Comment ça se passe? Ça a été un petit peu en deux temps. D'abord, alors, tout au départ, en fait, le problème que j'ai eu moi, il est simple, celui de beaucoup de monde, c'est que, alors j'ai eu une chance, c'est que j'ai sorti le premier tome de Old Boy fin février et qu'il s'est rapidement retrouvé quasi en rupture de stock parce que j'avais prévu 3000 exemplaires et tout est parti. Donc j'ai lancé la production de volumes supplémentaires. Le problème que j'ai eu, c'est que, en fait, le temps que ça arrive, le Covid est passé par là et le confinement. Donc, je me suis retrouvé avec les mangas imprimés, stockés quelque part en région parisienne et invendables, puisque tous les magasins avaient fermé. Donc, au départ, on se dit, c'est pas possible que ça puisse m'arriver comme ça, alors que j'ai un titre là qui a l'air de pas trop mal marcher et de plaire au public. Et puis ensuite, au bout d'une semaine, moi de mon côté, j'ai un petit peu lâché la rampe, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, on va attendre. Il y a rien d'autre à faire. On est tellement dépendant en fait des libraires. C'est pas des produits qu'on peut vendre sur les marchés, c'est pas des produits qu'on peut vendre ailleurs. Il n'existe pas d'autres débouchés. Il n'existe pas d'autres débouchés pour la BD. Donc faut attendre en espérant que ça puisse repartir dès que les boutiques rouvriront. Et finalement, à mon niveau, avec seulement deux titres à ce moment-là, enfin deux, trois sorties, j'ai eu la bonne surprise de me rendre compte que pour le tome 2 de Old Boy qui est sorti en juin, j'ai eu une mise en place supérieure au tome 1. C'est-à-dire que, en fait, non seulement le tome 1, finalement, il y avait pas mal de réassorts qui étaient demandés, mais en plus, apparemment, les libraires avaient bien vendu, donc avaient fait des commandes supérieures au tome 1 et avaient plutôt confiance. Avaient plutôt confiance dans leur boutique, en général. Donc, ils n'ont pas été au compte-gouttes, mais chez tous les éditeurs, ils ont commencé à reprendre de manière normale, quoi, voire supérieure pour certains. Donc, ça a été une période très, très étrange où on est avec son distributeur. On ne sait pas trop quand lui-même va recommencer. Est-ce que les commandes vont être honorées? Est-ce que c'est une parenthèse? Ou est-ce qu'il va y avoir un problème par la suite? Et finalement, de mon côté, je n'ai pas ressenti les problèmes parce que je n'ai pas un catalogue qui est énorme. Donc, ouais. C'était pas comme si je devais cumuler, je ne sais pas moi, 8 ou 10 sorties par mois. Et que du coup, je me retrouve avec 20 sorties annulées. Et là, il faut forcément rattraper derrière. Enfin, pour rattraper. Il faut. Quand vous avez 10 sorties par mois, ça veut dire que vous avez des employés, vous avez souvent des locaux, des choses comme ça. Là, pour l'instant, j'ai de la chance. Je suis vraiment indépendant. Donc, je travaille uniquement avec des freelances. Donc, je n'ai pas ce souci-là. Donc voilà, je pense que ça a été très difficile avec les plus gros éditeurs ou des éditeurs bien établis, indépendants, qui eux ont dû se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'on sort? Est-ce qu'on ne sort pas? Est-ce qu'on rattrape? Est-ce qu'on décale à l'année suivante? Ça a été des gros questionnements et on a vu leurs réponses. Akata a fait certaines séries, a décalé certaines séries l'année prochaine et les ont mis uniquement en numérique. Vega a totalement arrêté et ne recommencera que l'année prochaine, je crois en février, peut-être. février ou mars. Voilà, quoi. Il y en a d'autres qui ont préféré décaler. Je crois que soit Cana ou les autres avaient énormément allégé leur sortie pour voir ce qui allait se passer. Et là où j'ai été vraiment surpris, par contre, c'est effectivement que les libraires ont... Bah, les gens se sont précipités chez les libraires dès la fin du confinement. C'est les premières boutiques à avoir pu faire du picking. Tout ce qui est click and collect, alors que les autres magasins ne pouvaient pas le faire. Eux ont pu le faire. Donc ça voulait dire qu'il y avait quand même un lien très fort entre les lecteurs et les libraires. Et bah, durant les semaines où on voyait ça, où il y avait même Bruno Le Maire, le ministre, qui disait, qui trouvait que les libraires étaient un magasin de première nécessité et qu'il fallait peut-être les ouvrir avant les autres, bah on se trouve un peu dans une situation où on se dit, bon, allez, il faut garder courage. Si ça se trouve, on ne sera pas les plus impactés. Donc, mais voilà, y a un moment, c'est juste qu'on laisse couler et puis on attend, quoi. On attend. Alors, c'est drôle. Je fais une petite parenthèse sur ce que moi, j'ai pu vivre au niveau du Covid et au niveau de mes achats. Donc, bon, personnellement, je suis assez amateur de librairies indépendantes. Et c'est vrai que mon libraire BDCiné à Toulouse avait complètement fermé jusqu'à la fin du confinement. Mais j'ai passé commande chez un petit libraire indépendant qui fonctionne uniquement par Internet. J'ai mis un mois avant de recevoir ce que j'avais commandé, mais par contre, il était au service des autres et il me disait qu'il n'a jamais autant travaillé que pendant cette période de confinement, quoi. C'est bien. Oui, oui, c'était très bizarre. C'était très bizarre dès le départ parce que même quand tout a fermé, les gens avaient déjà demandé dès le départ est-ce que les libraires seraient concernés ? Est-ce que la culture, en sens général, n'était pas quand même indispensable à une société ? Et même si on pensait plus peut-être aux romans, aux choses comme ça, et toute la BD en a profité aussi. C'est-à-dire que ça a été inclus dans le fait que c'était quelque chose d'assez essentiel. Déjà parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire pendant le confinement, c'est sûr. Mais qu'il y avait quand même cet attachement au livre. Pas juste à regarder une tablette toute la journée, mais à pouvoir se reposer devant un livre, quel qu'il soit. Et c'est... moi, de mon côté, je sais que c'est ça qui m'a fait tenir, en me disant, bah, allez, avec un peu de chance, ça va repartir, et ça va repartir fort, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé à tel point que je l'ai senti là maintenant, parce que les lecteurs ne sont pas forcément au courant de ça, mais nous, quand un produit est mis en vente, on n'est payé que 3 mois après la mise en vente. Donc, en fait, moi, je n'ai eu aucun chiffre d'affaires en avril. J'ai eu un chiffre d'affaires amputé en mars et en mai. Donc, du coup, ça veut dire que en avril, moi, j'avais fait mes factures. Pour le mois d'avril, j'ai fait mes factures en mai. Donc, mai, juin, juillet, août. En août, je n'ai rien eu. Ouais. J'ai eu zéro. Enfin, j'ai eu zéro d'ailleurs. J'ai eu zéro de la part du distributeur, voire même du négatif. C'est-à-dire que ils ont quand même eu des retours qui ont eu lieu qui fait que j'ai été négatif à ce moment-là. Voilà. Et là, les derniers mois, c'est vrai qu'au niveau du chiffre d'affaires, ça a été... En fait, tout a été un peu décalé. C'est-à-dire que j'aurais même dû normalement sortir... De mon côté à moi, voilà, ce sera peut-être plus causant, j'ai dû décaler un titre. C'est-à-dire que normalement, j'aurais même dû sortir Modigliani le 4 cette année, je ne le sortirai que l'année prochaine. D'accord. Voilà, parce que à ce moment-là, au moment où j'aurais voulu le faire, je n'aurais pas pu parce que je n'aurais pas eu les fonds. Donc c'est toujours un petit peu à retardement. Pour les éditeurs, c'est toujours à retardement. C'est-à-dire qu'on va être payé pendant 3 mois. Si ça s'arrête là, aujourd'hui, demain, boum, on va encore avoir des paiements pendant 3 mois. Par contre, après, on ne saura pas. Donc ça a juste été cette petite période où je l'ai un peu senti là, où j'ai demandé à la banque une aide, pas une aide, mais une petite, comment dire, un report, un découvert, oui, voilà, chose comme ça. Normalement, si tout s'était bien passé, je n'aurais jamais eu à le demander. Ouais. Voilà, j'aurais jamais eu à le demander, ça aurait été bon. Là, je lui dis, voilà, regardez, pendant un mois, ça va être un peu ric-rac. Si je veux tout payer, ça va être un peu ric-rac, est-ce qu'on peut s'entendre? Bon, voilà, quoi. Ça a plus se jouer sur les très gros éditeurs, comme je disais, qui, eux, ont vu peut-être 20 publications supprimées, et qui, forcément, ça a un impact beaucoup plus important. C'est sûr. Alors, parlons un peu plus de choses joyeuses, on va dire. Ouais. Quel est l'avenir de Naban? Comment tu vois 2021, point de vue publication, titre? Est-ce que tu aurais des nouveaux titres? La suite de 17 ans, que j'attends, du coup, avec impatience. Est-ce que tu as des choses à nous avouer? Alors là, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, à partir du début de l'année prochaine, il va y avoir la suite de 17 ans. Voilà, tu parlais de l'impact. 17 ans devait sortir plus tôt, et normalement, je devais en sortir deux cette année aussi. Sauf que là, du coup, tu vois, il va y avoir quand même un petit gap entre cette sortie qui se fait là maintenant et la prochaine sortie qui ne sera que fin janvier. Donc, on va se retrouver avec octobre, novembre, décembre, janvier. On va se retrouver sur 3 mois. Alors, j'étais plutôt sur du 2 mois à la base. Ça, c'est, par exemple, des effets concrets. Voilà. Et ce que j'espère, c'est que, par contre, effectivement, d'ici 3 mois, les gens seront au rendez-vous pour le 2. Donc, c'est là où il va falloir faire les choses. J'aurais aussi demande à Modigliani 4 et 5 hein, qui sortiront, sachant que le tome 5, qui est le dernier, sortira en décembre au Japon. Donc, on va dire que le 4 sortirait, par exemple, en février ou février, peut-être, et puis le dernier en juin, par exemple. Et sinon, pour combler ça, effectivement, j'ai deux titres... là qui vont sortir. Il y en a un qui va être une réédition aussi, un peu dans le même esprit qu'Old Boy. Ouais. Seinen aussi, qui avait pas mal fonctionné à l'époque, mais qui n'a pas été édité depuis 15 ans maintenant. Je pense que ça fera plaisir à pas mal de monde. Et sinon, j'ai un inédit qui là va être vraiment en vintage. J'attends de pouvoir le signer d'une femme, d'une autrice plutôt de l'âge d'or du shoujo des années 70 qui n'a jamais été publiée en France jusqu'à présent. Voilà, donc ça, je sais que c'est sûr. Le reste, après, pour l'instant, j'ai des pistes, j'ai des choses comme ça, mais... Le but n'est pas pour l'instant d'augmenter drastiquement le nombre de sorties. Si j'arrive à faire une dizaine de sorties dans l'année, ce sera très bien. Ce sera très bien. Là, j'en suis à 7. Si je peux pousser à 10, ce sera très bien. Sachant que, mine de rien, même si je sors un Old Boy, par exemple, il ne faut pas oublier que ça fait 2 volumes à la base. Oui, c'est pas faux. Donc... même si je dis que j'en ai sorti 4, 5, 6, 7 dans l'année, en fait, j'en ai sorti 11, en réalité. En fait, j'ai sorti 11 volumes au final. Ce qui est pas mal. Donc, c'est déjà pas mal. Et voilà. Et le prochain titre, je suis assez content de l'avoir fait. C'est quelque chose que je voulais depuis pas mal d'années. Et là, l'opportunité s'est créée. Et voilà, ce sera le même format qu'Old Boy. Et tout sera également refait, la traduction, la pagination, tout ça. Et on a un superbe matériel, donc je suis très content. Mais ça, je l'annoncerai dans pas tellement longtemps, de toute façon. Je pense que peut-être d'ici novembre, maximum novembre, ce sera fait. Bon, bah, il me tarde de savoir ce que ça va être. Beaucoup, beaucoup de suspense. Mais oui, et oui. On va faire, bon, je pense que c'est la dernière, entre guillemets, question. C'est une question typique qu'on peut voir lors des entretiens d'embauche. Où est-ce que tu te vois d'ici 5 ans avec Naban? Écoute, j'ai connu un petit peu ce que c'était de diriger des sociétés et de voir, parce que j'en ai eu quand même deux avant. Une qui est morte de sa belle mort et la deuxième qui continue d'exister sans moi. Donc là, là où je me vois, c'est d'arriver à, comment dire, à faire des projets que j'apprécie et de découvrir des choses sur ces projets. C'est-à-dire que je n'ai aucune prétention à savoir comment fonctionne tout le milieu de l'édition, comment on trouve comment faire les meilleures éditions possibles. J'apprends. Donc dans 5 ans, j'aimerais pouvoir être quand même un petit peu plus en mesure de dire, bon voilà, là, j'en sais pas mal, donc je peux apporter pas mal de choses. Et surtout, ce que j'aimerais, c'est un petit peu diversifier au niveau de mes projets. C'est très flou pour l'instant, mais voilà, peut-être pas forcément se contenter du manga. Faire un petit peu quelques autres projets, toujours en indépendant pour s'essayer, pour se faire plaisir toujours. Peut-être d'ici là, ce que j'aimerais beaucoup quand même, c'est qu'au niveau de Naban, quelle est une image en tant que maison d'édition, qu'elle arrive à trouver son image, que les gens, quand ils sont quand ils verront un titre arriver qu'ils ne connaîtront pas, se disent, ah, s'ils l'ont choisi, c'est qu'il y a une raison. Ça, c'est quelque chose que j'ai connu d'ailleurs avec la société précédente. C'est qu'à un moment, des fois, on sortait des choses qui étaient complètement inconnues et on avait quand même pas mal de personnes qui disaient, ah, mais oui, mais si vous l'avez choisi, je vais vous suivre là-dessus. Et c'est ce que j'aimerais faire, c'est ce que j'aimerais avoir dans 5 ans et pouvoir, comme ça, faire découvrir d'autres petites choses, se faire plaisir, prendre quelques risques, mais avoir les moyens de le faire. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresserait d'ici 5 ans. Eh bien, il me tarde de voir si tu y arriveras d'ici 5 ans de faire ce genre de choses. J'espère. Après, c'est toujours une question, malheureusement, c'est toujours une question d'argent. Donc, il faut savoir gravir au fur et à mesure. Ça ne me fait pas peur. Donc, normalement, voilà quoi. Peut-être l'année prochaine, ça, effectivement, quand les choses se seront un petit peu tassées et que je ne sais pas si les choses reviendront à la normale, mais un peu plus stable, peut-être qu'effectivement, il y aura d'un seul coup un projet qui arrivera et que les gens diront, mais pourquoi il fait ça? Parce que ça me plaît. Et voilà. Eh bien, écoute, sur ces saines paroles, on va s'arrêter là. Merci d'avoir pris un peu de ton temps pour venir nous parler derrière ton micro. Mais je t'en prie, c'est un plaisir. J'espère qu'on restera entre guillemets en contact pour parler de tes nouvelles sorties et pourquoi pas pour une prochaine émission si tu veux nous faire l'honneur de venir pour parler encore une fois de votre futur de chez Naban. Et sur ce, je vais rendre l'antenne, je vais vous souhaiter à toutes et tous une bonne soirée ou une bonne journée, puis à très très bientôt dans un nouveau podcast Lire en Bulle ou Débat Comics.